Welcome, my friends, to French Pod. Today, we've got an intermediate lesson. It's called Airport Check-in. My name is JP. Salut, JP. Je m'appelle Amaury. Bonjour. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. I'm just great. You know, I just came from the airport yesterday, and so I could have used this lesson. Oui, tout à fait. Tu aurais pu utiliser le vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui, comme tous les utilisateurs de French Pod aussi. Right. Ils sont de grands voyageurs, je suis sûr. Absolutely. So, in this lesson, we're going to see a lot of travel-related, actually airport-related vocabulary. Ouais. And our key word today... Passport. Passport. Okay, now obviously this is a passport, and it's very important when you travel. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Absolutely not. Donc on se rend à l'aéroport tout de suite et on écoute le dialogue. Les passagers à destination de Londres, départ prévu à 14h40 sur le vol numéro R47274, sont priés de se présenter porte d'embarquement numéro 38, hall B. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux voir vos billets s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez, les voilà. Merci, il me faut également une pièce d'identité. Oh non, j'ai oublié mon passeport à la maison. C'est pas grave. Voilà, en Angleterre, le visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants européens. Une carte d'identité suffit. Heureusement, je la garde toujours sur moi, dans mon portefeuille. Très bien. Donc, au début du dialogue, on se rend bien compte qu'on est à l'aéroport. Because we have this announcement, right? This airport announcement. Tout à fait. Qui dit, les passagers à destination de Londres, départ prévu à 14h40, sur le vol numéro R47274, sont priés de se présenter porte d'embarquement numéro 38. Hall B. Oh my goodness, there's a lot of information in this announcement. Oui, parce qu'en plus, on a choisi des numéros assez longs. Yeah, that's quite a flight. Oui. All right, there's a couple things that I want to point out here. First of all, this word prévu, départ prévu à 14h40. Now, prévu, I think in English we'd say scheduled, right? Oui. And so what time is our flight prévu? Le vol est prévu à 14h40. Now remember, when you're traveling in Europe, you're going to see this a lot. You're going to see this what we in America call military time, right? It's a 24-hour clock. So 14h40, that would be 2:40 in the afternoon. C'est bien ça, oui. Alors le voilà, le fameux numéro de vol, c'est R47274. Okay, now I hope you know your numbers, because this literally is 47,274, right? I think in American airports, we would say R47274. Mais en France, on va plutôt citer le nombre. Okay, so better study your numbers, folks. Now, one of our airport words is the word for gate. La porte d'embarquement. La porte d'embarquement. Okay, so this is where you're going to wait for your flight, where you're going to board. Exactement, oui. Okay. Et ici, c'est la porte d'embarquement numéro 38. C'est là qu'ils sont priés de se présenter. Okay, so the passengers are asked to present themselves there, so they're asked to be there. Oui. Et cette porte d'embarquement numéro 38 se trouve dans le hall B. All right. Okay, so that's the announcement. So now the dialogue starts. Oui. Généralement, c'est à ce moment-là, JP, qu'on se dit, bon sang, faut y aller. That's right. Alors, elle se rend à un guichet. Et l'homme au guichet lui dit « Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux voir vos billets, s'il vous plaît ?» Okay, so can I see your plane tickets? Now, the word for tickets? Les billets. Les billets. Et ici, il dit vos billets. Okay, maybe she might be on a connecting flight, so he wants to see her tickets. Ouais. More than one. So then she gives them to him. Oui, bien sûr. Tenez, les voilà. Donc on a ces mots à la fin. Tenez, les voilà. Okay. Qui veulent dire la même chose, mais en français, on les répète. Tenez, voici, tenez, les voilà. Okay, here they are. Oui. Alors, ce n'est pas tout. Il a besoin également d'une pièce d'identité. Donc, il dit, merci, il me faut également une pièce d'identité. Okay, let's take a look at this. Il me faut. Now, il faut, as you know, means there's a necessity, right? Here, il me faut means there's a necessity for me, right? So, maybe in English, you might say, I also need to see your ID. Oui. Okay. And for ID? Pièce d'identité. Pièce d'identité. So this is a piece of identity. Exactement. Okay. Alors là, c'est le drame. Puisqu'elle a oublié son passeport à la maison. Uh-oh, that's a problem. Now, passeport, that was our mot-clé, right? Oui. And we told you not to forget it at home. Elle ne nous a pas écouté, JP. She didn't listen to French Pod. Mais ce n'est pas grave, car pour aller en Angleterre, le visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants européens. Okay, so le visa, that would actually be in your passport. Voilà. Okay. C'est le tampon qu'on reçoit pour avoir accès, pour avoir une entrée dans un pays. Okay. Now he's saying that to travel to England, it's not necessary. Non, ce n'est pas nécessaire. Okay. Now why isn't it necessary, Emily? Parce que c'est une ressortissante européenne. Okay, so she's a European resident. Exactement, oui. Okay. Et donc, une carte d'identité suffit. Okay, carte d'identité, this is another word for identity card. Oui. Okay, this is a card. Oui, okay. C'est bien ça, ouais. And we have the verb suffit, which means that it's enough. Tout à fait, oui. An ID card will suffice. Ouais, on a juste que un mot en français pour dire que ça suffit. Okay. Et heureusement, elle a cette carte d'identité. Okay. Elle dit même, heureusement, je la garde toujours sur moi. Dans mon portefeuille. Okay, so she always keeps it on her person, right? C'est bien ça, oui. Mm-hmm. So here we use the verb garder, to keep. Oui. Right? And she says, je la garde, so I keep it. That la is referring to the carte d'identité, which is feminine. Et c'est pour ça qu'on a la, je la garde. Exactly. Et où? Dans mon portefeuille. Okay, portefeuille, this is wallet. So this is another thing that is important to travel with. Luckily, she's got her ID card in her wallet. Sinon, elle ne pourrait pas voyager. No. Et moi, je n'ai jamais mon portefeuille sur moi, JP. I know this about you, Emory. Enfin, on réécoute le dialogue et on reviendra pour parler des pièces d'identité nécessaires en Europe. Ok. Les passagers à destination de Londres, départ prévu à 14h40 sur le vol numéro R47274, sont priés de se présenter porte d'embarquement numéro 38, hall B. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux voir vos billets s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez, les voilà. Merci, il me faut également une pièce d'identité. Oh non, j'ai oublié mon passeport à la maison. C'est pas grave. Pour aller en Angleterre, le visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants européens. Une carte d'identité suffit. Heureusement, je la garde toujours sur moi, dans mon portefeuille. Alors maintenant que la France fait partie de l'espace européen, de l'Union européenne, il y a un accord qui est établi entre 22 pays en Europe. Et cet accord dit qu'il n'y a plus de contrôle frontalier entre les pays qui l'ont signé. Okay, that's great. So that's that makes it very easy for European travelers to travel within the Union. C'est bien ça, oui. Par contre, quand on voyage en avion, tu sais qu'il y a encore quand même des contrôles. Absolutely, yeah. Et donc là, il faut quand même montrer une pièce d'identité. Okay. Alors, c'est soit le passeport, soit la carte d'identité. All right. Ouais. Et évidemment, plus de visa. Okay. Now, I have to ask you, because I'm American, and so I travel with my passport. Americans, we don't have a national identity card. Non, c'est quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis. I mean, the closest thing for me would be my driver's license, which is issued by the state that I live in, the state of Washington. C'est ça, parce que les cartes d'identité sont émises par chaque pays en Europe. Okay. So you would have a French carte d'identité. Oui, mais j'en ai même une deuxième. You have two? Wow. Ouais, mais c'est une exception. Parce que ma mère est belge et mon père est français. Okay. J'ai une carte d'identité pour chaque pays. Okay. Et j'ai même un passeport pour chaque pays aussi. Wow. Okay. Ouais, je sais, JP. Okay. Ce qui peut être utile, tu vois, si jamais j'en ai oublié un, ou si j'en perds un, tiens, ce qui pourrait m'arriver, je crois. Right. If you leave one at home, you can always use the other. Et quand tu es allé en Europe, tu avais besoin d'un visa pour venir, pour rentrer en France? I think when I went to study for a couple of months, yes, I did need a visa for France. But in the subsequent times that I've returned to France to visit, it's always been just for a couple of weeks. D'accord. So I didn't need a travel visa. Ouais. Mm-hmm. C'est vraiment quand on reste pour une certaine période, pour les personnes qui veulent travailler, par exemple. Là, s'ils viennent des États-Unis et qu'ils vont en Europe, ils auront besoin d'un visa. Absolutely. Donc voilà, si vous allez bientôt voyager en France, donc en Europe, vous pouvez toujours nous poser la question. On fera une petite recherche pour savoir si vous avez besoin d'un visa sur votre passeport ou si vous avez la moindre question sur cette leçon. Évidemment, n'hésitez pas à venir sur la page de discussion et à nous la poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bon voyage.